subitement. Ma chère souffre la joindre parent, ma bien content. Vous m'êtes allé chez lui, ma résine. Vous m'êtes allé chez lui, ma consolé. Vous m'êtes allé chez lui, ma résine. Vous m'êtes allé chez lui, ma consolé. Parce que vous m'aimez pas. C'est divorcé. Manger du matin, oui, ça a midi m'a venu. Manger midi, ça souhait. Et puis fia tout en l'ap sorti. Tout en l'ap sorti, côté le bras, pas qu'on est. Qui va comprendre l'aller? Kay ma tante. Kay ma tante. Et puis on va arriver, on va pour manger, ça compte m'a mangé. On va à compte m'a mangé. Qui signifie que l'on va manger à compte, si vous voulez. Faut tout pour finir, manger à finir sur table. Vous voulez ça manger à compte. Je ne suis pas capable de me faire ça. Seul bagaille m'a pensé, c'est